Bon. On va commencer. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 6 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et donc, j'ai donné le titre à ce cours en français, je l'ai appelé le manhaj des salaf face à la divergence, même si en arabe le titre du livre c'est pas ça, mais quand même c'est pour exprimer en fait le sujet, parce que parfois, quand on écrit le titre en arabe, eh ben les gens ils se demandent en quoi consiste le cours et de quoi ça parle, et donc peut-être avec un titre comme en français comme ça, ça aide les gens à avoir une meilleure compréhension. Je voudrais juste revenir sur un point du cours qu'on a commencé hier, le cours numéro 5. Au début on a parlé de al-khilaf alladhi qama ad-dalil ala kulli wahidin min atrafihi. Puis après on a fait un autre chapitre qui est Al-Haqq 'indallahi wahidun wa ma'adahu fa khata. Et là c'est ce chapitre là qu'on est en train de faire. La vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est unique, c'est une seule vérité. Et qu'est-ce qui est en dehors de cette vérité là c'est l'égarement. Ça c'est lorsqu'il y a des divergences qui impliquent des contradictions et des oppositions. Dans ce cas-là, il y a une vérité. Puis qu'est-ce qui est en dehors de cette vérité là c'est une erreur. On a expliqué bien entendu que on a expliqué les hadiths et les versets qui expliquent que quand il y a un savant par exemple qui fait une ijtihad, et puis quand il fait son ijtihad, il peut avoir une bonne réponse, il peut avoir une bonne conclusion, un bon verdict, comme il peut se tromper également, hein, il peut donner une mauvaise réponse à une fatwa. Donc ça prouve qu'il y a quelqu'un qui, il y en a un qui va avoir raison tandis que l'autre va avoir tort. Et ça c'est par opposition à l'idée que certaines personnes transmettent, yani c'est une parole que les gens ont l'habitude de répéter, mais cette parole-là est pas vraie en fait, c'est une parole qui est fausse, mais les gens la répètent souvent comme ça parce que c'est devenu comme une sorte de slogan, hein, une chose que les gens répètent constamment sans vraiment comprendre ou réfléchir à comprendre sa signification, et sans savoir que ça s'oppose réellement au principe du Coran et de la Sunna et de la voie des salaf salih. Donc cette parole là c'est quoi? C'est kullu mujtahidin musib. Il y a des gens qui répètent ça souvent, et surtout parmi les gens qui suivent yani les madahib d'une façon aveugle, sans retourner aux preuves, ils répètent souvent cette parole-là pour justifier ce qu'ils font. Il dit kullu mujtahidin musib, c'est-à-dire toute personne qui est mujtahid, hein, qui atteint un niveau de science, hein, qui lui permet d'analyser les arguments et les textes du Coran et de la Sunna, et de faire des analogies, et qui connaît les jumaa, qui connaît les règles et les principes de la sharia, quand il fait un effort pour arriver à une conclusion ou à un verdict, peu importe le verdict qu'il va donner, il a raison. Ça, c'est cette parole-là que ces gens-là disent. Kullu mujtahidin musib. Et cette idée-là ou cette parole-là, c'est incorrect. Et il y a beaucoup d'ulama qui ont critiqué cette parole-là parce que yani, c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple de ça, il y a un livre qui a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Et c'est un Cheikh qui enseigne à Umul Qura, à Mecca. C'est un Cheikh salafi, il est bien connu. Il a plusieurs livres, mashallah, très bénéfiques. Et un de ses livres, ça s'appelle Al-Ikhtilafu wa ma ilayh. Al-Ikhtilaf wa ma ilayh. Donc, c'est un livre qui traite de la divergence et qu'est-ce qui est relié à la divergence. Et ici, par exemple, dans un des chapitres, il traite de ce point-là. Qawluhum kullu mujtahidin musib. Ce qu'ils disent, lorsqu'ils disent que tous les mujtahidin ont raison. Hein, ils sont corrects. Et ça, c'est une erreur parce que, comme on a expliqué hier, le mujtahid peut faire un ijtihad, mais il peut se tromper, il peut avoir raison, comme on l'a vu dans le hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari, qui dit que lorsqu'un mujtahid fait un ijtihad, ou lorsqu'un juge fait un jugement, إذا اجتهد الحاكم فأصاب et qu'il a une bonne réponse فله أجران il a deux récompenses. Toutefois s'il a fait une ijtihad et qu'il se trompe, il n'a qu'une seule récompense. Donc ça prouve que le mujtahid il peut se tromper comme il peut avoir une bonne réponse. Sauf que dans les deux cas il a une bonne récompense quand même, minimum il a une bonne récompense et il n'est pas puni, il est excusé pour son erreur. Tandis que certaines personnes comprennent ça en voulant dire que peu importe qu'est-ce qu'il fait comme fatwa ou qu'est-ce qu'il donne comme verdict, il a toujours raison. Il est toujours il atteint toujours le but. Et ça c'est incorrect. C'est faux. C'est pas ça ce que le hadith veut dire. Le hadith est clair en disant que fa asab ou fa akhta. Donc ça veut dire soit qu'il a raison ou soit qu'il a tort. La seule chose, c'est que s'il a tort, il va pas être puni, il va avoir une hasana au lieu de deux. Hein? Mais ça veut pas dire qu'il a raison parce qu'il a une hasana, puis ça veut pas dire qu'il a raison parce qu'il est récompensé quand même. La seule chose que ça signifie, c'est qu'il sera pas puni pour ça, et au moins il a fait un effort malgré qu'il n'a pas eu la bonne réponse, mais au moins il aura, yani une récompense au moins pour l'effort qu'il a eu. Et le cheikh Bazmoul, il cite les paroles de Abu Ishaq al-Isfarayini, okay, qui sont citées dans Siyar I'lam al-Nubala au volume 17 à la page 355. Abu Ishaq al-Isfarayini, il est mort en 418 Hijri. Et il dit la parole suivante: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. Donc ça c'est une de ses paroles. Et ça veut dire quoi? Celui qui dit que tous les mujtahidin ils ont raison, ça c'est au début, le début de cette parole là c'est sapsata, c'est-à-dire c'est une forme de sophisme, et à la fin c'est une forme de zandaqa, c'est-à-dire que c'est une forme d'hérésie et une forme de, comment je pourrais dire, une forme d'hypocrisie. Et le cheikh il explique pourquoi. Il dit: أما أن أول هذا القول سفسطة فذلك لأنه تنتفي به حقيقة الدين والتكليف ولا يعرف حق من باطل ولا راجح من مرجوح إذ إن الحق يصير متعددا فالقول وناقيده حق والسفسطة نفي حقائق الأشياء وهي كذلك هنا إما على سبيل العندية أو العنادية أو اللا أدرية. Donc le cheikh il explique cette parole de l'imam al-Isfarayini. Il explique qu'au début, quand on dit qu'au début c'est une safsata, ça veut dire quoi? Ça veut dire, safsata, c'est en réalité parce que lorsque quelqu'un dit tous les mujtahidin ils ont raison, ça implique que tu es en train de nier la réalité de cette religion-là et la réalité des obligations de cette religion. Et on peut plus, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc ça, c'est bien entendu, c'est grave. On ne peut pas non plus distinguer entre qu'est-ce qui est rajih et qu'est-ce qui est marjouh. Hein, entre une opinion qui est correcte, qui est en accord avec les preuves, et une opinion qui est incorrecte et qui est contraire aux preuves. Donc, ça voudrait dire qu'on accepte une chose et son opposé. Qu'on accepte la vérité et ce qui oppose la vérité. Et ça voudrait dire aussi que la vérité, elle est multiple. Qu'il peut y avoir plusieurs vérités contradictoires. Ça, c'est, bien entendu, c'est ce qu'on appelle as-safsata. Et le cheikh, il cite les paroles des paroles qui ont été données dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Il explique, l'imam Ibn al-Jawzi, il explique le terme safsata. Et il dit qu'il y a trois catégories de safsata. Et qu'à la base, c'est de nier la réalité des choses. Un sophisme, c'est de nier la réalité des choses. Soit par la voie de al-indiyya, soit par al-inadiyya, ou soit par al-adriyya. Donc, ces trois, il le divise en trois catégories. La première, c'est, il dit, fal-indiyya, ashabuha yaqulun, hada haqqun indakum, wa naqiduhu حق عندنا والعنادية يقول هذا هو الحق ولا يقبلون الدليل ويعاندون في إثبات ما يرونه على سبيل عنزة ولو طارت واللا أدرية يقولون لا ندري هذا هو الحق أو غيره فهذه سفسطة. Donc le cheikh il dit que les gens qui suivent la voie de qu'est-ce qu'on appelle al-indiyya, ça veut dire selon moi, hein, ça c'est, il y a toujours des gens comme ça qui parlent, ils disent selon moi, ça veut dire qu'ils disent quoi, ils disent que cette chose-là, elle est vraie selon vous et son opposé est vrai selon nous. Donc ça veut dire que selon eux, il y en a selon leur principe à eux, tout le monde a raison en fait, mais tout le monde a raison et c'est relatif. Comme j'expliquais par rapport aux journalistes hier, hein, qui disent des opinions contradictoires, qui écrivent dans un article des opinions contradictoires, et puis après, qui disent, tout le monde a raison. Et comme je donnais l'exemple, justement, il y a une journaliste qui a écrit un article à propos d'un livre que j'avais écrit, puis par rapport à la controverse qui avait été faite au sujet du livre. Il y a des kuffars qui avaient fait une plainte contre le livre, ainsi de suite. Puis ils ont fait une plainte à la Commission des droits de la personne contre le livre. Et puis la plainte a été rejetée. Donc là, ils ont commencé à mettre plein de citations de mon livre dans les médias, hein, pour montrer ce que je disais et puis pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec la commission dans leur verdict. Ils disaient que c'était pas correct. Puis moi, j'ai eu un email d'une journaliste qui m'a demandé est-ce que j'avais un commentaire à faire. Moi, j'avais écrit un commentaire au sujet de cette histoire-là. Alors je lui ai envoyé le texte que j'avais écrit à ce sujet-là, que j'ai posté sur mon groupe sur Kaïm, sur le site. Donc, ce texte-là, je l'ai envoyé. Et puis, voici ce qu'elle a écrit dans son article. Elle a écrit « Le musulman salafiste montréalais Al-Haïti, dont l'ouvrage « L'islam ou l'intégrisme » a valu une plainte à la Commission des droits de la personne, considère que les propos de son livre ont été pris en dehors de leur contexte. » Donc là, elle me cite. Je dis, je ne dis que ce qui est écrit dans le Coran, dans la Sunna, et qui est en accord avec le consensus de tous les savants de l'islam, de toutes les époques, ce que le consensus de tous les savants de l'islam, de toutes les époques, disent au sujet de l'islam. Après, elle dit, la commission a rejeté la plainte déposée contre lui, mais l'affaire fait grand bruit depuis 2 jours. Celui qui a porté plainte est, je ne vais pas citer, le nom, Yani c'est le responsable d'un site web qui il dit d'un groupe de sensibilisation sur les dangers de l'islamisme. Hein? Et en grande partie, qu'est-ce qu'il fait ce site? C'est qu'il mélange tous les groupes de musulmans ensemble et qu'il fait des amalgames incroyables. Il mélange le vrai et le faux et puis il jette ça aux gens dans un site pour faire peur aux gens qui sont pas musulmans et aux musulmans aussi, pour leur dire, regardez, ça c'est ça le danger des musulmans et des islamistes soi-disant. Et puis il mélange salafi, ikhwani, shia, rafida, il mélange tous les groupes ensemble et puis il les met tous dans la même catégorie. Hein? Donc ça c'est la malhonnêteté de ces gens-là qui n'ont aucune crédibilité dans leur façon de critiquer ceux qu'ils n'aiment pas. Hein? Ils n'ont pas de justice dans leur façon de critiquer. Donc le cheikh il dit, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire le cheikh il dit que à chaque fois je le dis maintenant. Bon, après elle dit dans son livre qui est disponible, bon elle mentionne quelques points de ce que j'ai dit. Après, qu'est-ce qu'elle fait dans le même article? Elle cite une opinion marginale. Elle cite qui comme référence? Elle cite les paroles d'un des représentants du groupe Présence Musulmane. Le groupe Présence Musulmane, c'est bien entendu un groupe qui est fondé par Tariq Ramadan, ou co-fondé par Tariq Ramadan. Donc, elle cite les paroles de ce gars-là, qui s'appelle Salah Basalama. C'est un yéménite qui est prof de traduction à Ottawa ici. Bon, il est membre de ce groupe. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il trouve dommage que les paroles de l'imam éclaboussent la communauté musulmane. Elle dit c'est une opinion marginale. Il dit c'est une opinion marginale et absolument non représentative d'un leader autoproclamé. Donc ça, déjà il y a des accusations ici parce que il dit d'un leader auto-proclamé, alors que je suis pas un leader de personne. Hein, je suis le leader de personne et je me suis jamais proclamé non plus être un leader. Après il dit ce professeur de l'école de traduction et d'interprétation, etc. Ses propos ne reflètent absolument pas la compréhension majoritaire de nos références scriptuaires musulmanes, ni la façon d'exprimer notre sentiment d'appartenance à cette société, indique-t-il. Donc ça veut dire que lui, il est en train de dire que ses propos ne reflètent absolument pas la compréhension majoritaire de nos références scriptuelles musulmanes, ni la façon d'exprimer nos sentiments d'appartenance à cette société. Ok? Donc ça c'est pour montrer comment elle cite mes paroles où je dis par exemple que je ne dis que ce qui est écrit dans le Coran, dans la Sunna, et ce qui est en accord avec ce que le consensus de tous les savants de l'islam de toutes les époques disent au sujet de l'islam. Puis plus bas, elle cite le gars de Présence Musulmane, hein, ce groupe de Hezbiyin, hein, c'est un groupe de Présence Musulmane qui, en tout cas, je vais me passer de commentaires à leur sujet maintenant, parce que j'ai déjà fait des critiques d'eux dans d'autres cours. Mais bon, il dit qu'il ne représente absolument pas la compréhension majoritaire de nos références scriptuelles musulmanes. Donc ça, c'est deux citations de deux personnes qui sont complètement opposées, hein, l'une à l'autre. Puis moi, j'ai posé une question, je lui ai envoyé une question à cette journaliste par la suite, pour lui demander, quand elle écrit, est-ce qu'elle cherche la vérité? Est-ce qu'elle essaie d'écrire qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'elle se renseigne? Est-ce qu'elle fait des recherches? Ou bien elle fait juste citer les opinions de n'importe qui ont des opinions contradictoires. Voici ce qu'elle m'a répondu. Vous me posez la question, est-ce qu'un journaliste doit dire la vérité ou non? Je vous répondrai qu'un journaliste doit rendre compte des faits et aussi des points de vue des gens impliqués dans une situation. Dans le cas de l'article où je vous ai cité, comment voulez-vous que je prétende relater la vérité? Il s'agirait de la vérité selon qui? Selon l'islam? Selon vous? Selon moi? Selon les gens que je cite? Hein? Il se trouve que vous avez été au cœur d'un incident et j'ai écrit le point de vue qu'avaient des gens par rapport à vos propos. Premièrement, est-ce que c'était mes propos ou bien est-ce que c'était des propos que j'ai dit qui ont été cités hors contexte? Et est-ce que les gens qui font leur critique, est-ce qu'ils connaissent l'islam ou non? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont lu le livre au moins ou non? Hein? Donc, de citer des opinions comme ça sans même clarifier, c'est malhonnête. Après, il dit, et j'ai écrit le point de vue qu'avaient des gens à propos de par rapport à vos propos. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Mais c'est ce que les gens que je cite pensent. Elle dit, je suis journaliste, je ne suis pas juge. Je relate une situation et les gens qui y sont impliqués. Donc ça veut dire, est-ce que c'est la vérité? Elle ne sait pas. Hein? C'est ce que les gens pensent. Donc ça veut dire, tu peux citer les paroles de n'importe qui, qu'est-ce que les gens pensent, que ce soit une vérité ou un mensonge, des fausses accusations, n'importe quoi, Yanni, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que elle écrit les positions et les opinions de n'importe qui dit son point de vue, selon ce qu'il pense. Et bien entendu, c'est malhonnête. Et après, elle dit, je ne suis pas juge, je suis journaliste. Bien entendu, aucun d'entre nous n'est juge, hein. Ça veut pas dire qu'on n'a pas une raison et qu'on n'a pas une conscience aussi qui nous permet de juger et de distinguer entre ce qui est vrai et faux. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de l'attitude de ces gens, étant donné qu'on est en train de parler des sophismes. Eh ben, on voulait juste donner cet exemple-là, justement, hein. Et puis, en passant, les sophismes, je me souviens même à l'école, on nous a enseigné les sophismes en philosophie, puisque c'était obligatoire, et puis on nous a parlé de qu'est-ce que c'était, hein. C'est que tu appelles les gens à quelque chose sans ramener de preuves, mais tu utilises des arguments qui sont pas fondés ou qui tiennent pas juste pour les mettre de ton côté, hein. Donc, par exemple, il y a parmi les sophismes qu'on avait, oui, je m'excuse de vous embêter avec ces longues explications, mais c'est juste pour que ce soit plus clair, la question des sophismes. Il y en a qui disent, par exemple, bon, vous devez suivre telle chose parce que c'est la position de la majorité. Donc l'appel à la majorité, c'est un sophisme. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'est-ce que la majorité des gens suivent. Ça ne veut pas dire que parce que c'est suivi par la majorité que c'est vrai. Donc, le fait d'appeler à la majorité, c'est une sorte de sophisme. Par exemple, l'appel à la nouveauté. On dit quelque chose. Ça c'est la vérité ou ça c'est meilleur parce que c'est nouveau. Et tout ce qui est ancien, c'est mauvais. Ça c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est pas quelque chose qui est logique. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que quelque chose est ancien que c'est pas bon ou que c'est pas meilleur. Il y en a beaucoup de sophismes comme ça, comme par exemple l'appel à l'autorité, parce qu'un tel l'a dit, c'est vrai, hein, sans savoir est-ce que c'est basé sur la vérité ou non, hein. Et pour des koufars, en réalité, même j'avais parlé avec un prof de philo une fois, je lui ai demandé, donnez-moi un exemple de quelque chose qui n'est pas un sophisme, et le prof de philo n'était pas capable de m'amener aucun exemple de qu'est-ce qui n'était pas un sophisme. Parce que il y a toujours un appel à l'autorité quelconque dans une argumentation logique ou autre. Sinon, s'il n'y a pas d'appel à l'autorité quelconque, ben s'il n'y a pas du tout d'appel à l'autorité, il n'y a rien qui peut tenir. Le seul problème, c'est de savoir est-ce que cette autorité-là est justifiée et valable ou non. Mais pour eux, bien, c'est bien entendu, c'est plus compliqué. Il y a le sophisme de l'homme de paille. Hein, okay. Bon, l'homme de paille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu attaques ton opposant, ou que tu veux le critiquer, tu le mentionnes en citant ses arguments, mais d'une façon qui le rabaisse, ou d'une façon qui le diminue. Tu présentes pas ses arguments tels qu'ils sont réellement, tu les rabaisses et tu les présentes comme étant moins importantes qu'elles sont vraiment, pour justement les réfuter plus facilement par la suite. Et ça, c'est une sorte de sophisme puisque tu n'es pas honnête dans ta critique et dans ton attaque. En tout cas, donc c'est juste pour, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous faire comprendre que As-Safsata, c'est quelque chose qui est présent beaucoup actuellement chez les gens. Et comme la question de Al-Indiya, ben, c'est justement c'est ça. Ça, c'est vrai selon vous. Et comme la journaliste a dit, est-ce que c'est selon l'islam qu'on va dire que c'est vrai, ou selon vous, ou selon les autres, ou selon moi, ainsi de suite. Bon, bien entendu, si on parle de l'islam, ça doit être la vérité selon qu'est-ce qu'on parle. Et il n'y a pas deux, ou trois, ou quatre, ou six vérités, mais il y a une seule vérité. La vérité, ça doit être vrai pour tout le monde, puisque si c'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas vrai. Hein? Imaginez-vous si 1 plus 1 égale 2, c'était pas la bonne réponse pour tout le monde. Hein, il n'y a plus rien qui pourrait fonctionner dans le monde. Hein. Il n'y a pas aucun appareil qui pourrait fonctionner si 1 plus 1 égale 2, ça ne serait pas vrai pour tous les êtres humains sur la Terre. Donc ça peut, on ne peut pas dire ouais, 1 plus 1 égale 2, c'est vrai pour toi, mais pour moi, ça veut pas dire, ce n'est pas la même réponse. Donc la vérité, s'il y a une vérité, ça doit être la vérité pour tout le monde, sinon ce n'est pas une vérité. Hein. Et donc ça, c'est important de comprendre. Après, l'autre attitude, c'est al-inadiyya. C'est-à-dire al-inadiyya, c'est-à-dire que tu entends la vérité, mais tu veux pas l'accepter. Tu dis oui, ça c'est la vérité, mais je l'accepte pas. Et tu n'acceptes pas la preuve qui vient avec. Et tu t'opposes à cette vérité et tu t'opposes à l'affirmer. C'est, il donne un exemple de ça dans l'expression qui est bien connue, anzatun walau tarat, walau tarat. Ça veut dire, c'est comme une chèvre même si elle vole. Hein, c'est une chèvre même si elle vole. Ça, c'est une expression que les gens disent, que quand quelqu'un il n'accepte pas la vérité, même s'il voit les preuves devant lui, il refuse de l'admettre. Hein, c'est l'attitude de celui qui dit c'est une chèvre même si ça vole. Wa la adriya. Hein, c'est comme un peu l'attitude de cette journaliste, encore une fois, qui dit « Je ne sais pas, est-ce que c'est la vérité ?» Je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité. Allah Adri, elle se dit « Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je ne sais pas. » Donc ça, c'est une attitude vraiment qui est pas bonne, qui est contraire à la personne qui a la connaissance. Hein, lorsque tu as la connaissance de quelque chose, tu dois affirmer cette vérité-là. Et si tu ne la connais pas, ça c'est sûr que si tu la connais pas, il faut l'apprendre. Mais ces gens-là qui disent je ne sais pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas l'apprendre, c'est parce que ils veulent pas l'admettre. Hein, ils disent non, c'est pas la vérité, je sais pas. C'est parce qu'ils veulent pas chercher, ils veulent pas faire des efforts pour trouver la vérité. Ils savent que la vérité elle existe peut-être, mais ils veulent pas faire l'effort pour essayer de la trouver. Hein? Donc ils disent je ne sais pas. Puis ils acceptent tout le monde sur qu'est-ce qu'ils sont. Donc ça c'est des exemples de safsata. Et az-zandaqa, il dit amma akhirahu zandaqa fa in hadha al-qawl yuaddi ila isqat ad-din bil-kulliyah wa yattabi'u al-mar' ma yahwa wa yashtahi bila dabit. En ce qui concerne az-zandaqa, l'hérésie ou bien l'hypocrisie, c'est aussi une position ou une attitude qui amène à faire tomber complètement la religion et à détruire complètement la religion. C'est-à-dire que quelqu'un va uniquement prendre une position selon ses désirs et ses passions, sans aucune règle, sans aucun principe, hein, et sans aucun fondement. Yani. Donc ça c'est l'attitude de qui amène vers ces choses-là, soit az-zandaqa ou as-safsata. Et c'est ça l'attitude des hizbiyin et des gens de bid'a et des muqallidin qui suivent aveuglément les madahib, ainsi de suite. Ils veulent essayer de faire croire aux gens que tu peux suivre n'importe quoi, que tout est, depuis que tu choisis une position, c'est la vérité et c'est bien, ou bien que tu choisis selon yani, qu'est-ce que la majorité veut, ou bien yani, tu dis ça c'est vrai selon vous, mais pour d'autres, c'est d'autres choses. Donc, il faut voir, bien entendu, selon le contexte aussi. On va en parler de plus en plus en détail dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, on va commencer à partir du cours du livre qu'on était en train d'étudier hier, qu'on continue. Dans les actions des Sahaba, on voit que que même eux aussi ils ont compris et ils ont appliqué l'exemple que la vérité elle est une et elle n'est pas multiple, et que si c'est pas la vérité c'est l'égarement, hein, dans les questions qui sont des questions qui ont rapport avec les formes d'ijtihad dans lesquelles il y a des oppositions et des contradictions. Ou bien parfois c'est pas une question nécessairement qui est reliée à un ijtihad, parce qu'il y a des gens qui font des ijtihads alors qu'il y a, il y a pas de raison de faire des ijtihads, puisque les textes sont clairs, comme dans les questions d'aqidah ou les questions des fondements, là il y a pas d'ijtihad à faire, mais eux ils essaient quand même de faire d'utiliser leur raison dans ces questions là alors qu'il y a pas de place pour la raison dans ces choses là. Donc, le Cheikh dit, « وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه موافقة أبي موسى الأشعري في مسألة بنت وبنت ابن أخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وأخبر أبو موسى فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فانظر إلى أبي إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف جعل القول الآخر الذي جعله المصوبة صوابا عند الله ضلالا. Regardez ici dans le premier exemple que le cheikh mentionne au sujet des actions des sahaba, il mentionne les paroles de Ibn Mas'ud رضي الله عنه lorsqu'on lui a demandé son opinion par rapport à aux héritages. On lui a demandé est-ce qu'il était d'accord ou bien de confirmer la position de Abu Musa al-Ash'ari, parce que Abu Musa al-Ash'ari avait donné son point de vue ou bien avait donné une fatwa au sujet de l'héritage de la fille et de la fille du fils ou de la fille de la sœur bint, une fille, wa bint ibn, ou la fille d'un fils, wa urt, et d'une sœur. Donc, il avait donné à la fille une moitié, puis à la sœur une moitié. Donc, Ibn Mas'ud, lui, quand il a entendu ça, il a dit, si je jugeais comme ça, et si je disais que j'étais en accord avec ça, je m'égare dans ce cas-là, et je ne suis pas parmi les gens guidés. Je juge dans cette question-là, de la même façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jugé. C'est-à-dire, je donne à la fille la moitié et je donne bintul ibn, la fille du fils, à la fille du fils, je donne un sixième. À la fille, je donne une moitié et à la fille du fils, je donne un sixième pour compléter les deux tiers. Et qu'est-ce qui reste? C'est pour la sœur. Donc, on a informé par la suite Abu Musa al-Ash'ari au sujet du verdict de Ibn Mas'ud, et Ibn Mas'ud a répondu, et Abu Musa al-Ash'ari a répondu au sujet du verdict de Ibn Mas'ud, ne me demandez pas à moi tant que ce savant est parmi vous. C'est-à-dire, tant que Abdullah ibn Mas'ud est parmi vous, ne demandez pas à moi. Okay. Et donc, le Cheikh Hamad Ibn Ibrahim al-Uthman, il commente ce hadith qui est rapporté dans Fath al-Bari, volume 6, page 465. Il dit, regardez comment Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il a entendu ce verdict-là, regardez comment il a fait que ce verdict-là que les gens considéraient de la part de Abu Musa al-Ash'ari, le verdict que les gens avaient reçu de Abu Musa al-Ash'ari, lui, Abdullah ibn Mas'ud, il l'a considéré comme étant un égarement, hein, par rapport à la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a considéré ça comme étant un égarement, alors que les autres le considéraient comme étant une opinion correcte, Hein? Et donc, c'est-à-dire qu'Abu Moussa al-Ash'ari considérait que c'était une opinion qui était correcte, alors que pour Ibn Mas'ud, c'était une forme d'égarement. C'était une fatwa qui était incorrecte et qui était dans l'égarement. Et donc ça, ça prouve que le verset qu'on a mentionné hier, « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité, excepté l'égarement? Les sahaba, ils appliquaient ça, et ils croyaient en ce principe-là. Il ne peut pas y avoir deux vérités contradictoires. Quand il y a une vérité, c'est une vérité unique, et tout ce qui est en dehors de cette vérité-là, elle doit être rejetée. Hein, c'est comme je disais, hier, quelqu'un ne peut pas être au Canada puis en France en même temps. Ce soit un ou l'autre. Et si deux personnes vous informent de deux informations contradictoires comme ça, un dit il est au Canada et l'autre dit il est en France, ça ne peut pas être vrai en même temps. Il faut qu'il y en ait un qui ait tort puis un qui ait raison. Donc c'est la même chose dans les règles de la charia. Si quelqu'un vous dit quelque chose à propos du verdict d'Allah, et il y a une autre personne qui vient qui vous dit une autre chose que c'est le contraire, eh bien ça ne peut pas être vrai les deux ensemble. Il faut qu'il y en ait un qui soit correct, ou l'autre qui, et l'autre qui est incorrect. Donc le cheikh dit, وقال ابن مسعود رضي الله عنهما لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يريد أن يباهل مخالفه يريد أن يباهل مخالفه والمباهلة فيها أيمان مغلظة بحضور الزوج والذرية مقترنة بلعنة الله كما قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Donc ici le cheikh il explique, il dit, et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, il a dit au sujet des gens qui étaient en désaccord avec lui ou qui le contredisaient au sujet des héritages, et ça c'est rapporté dans Al-Musannaf de l'imam Abdul Razzaq As-San'ani. Il dit, j'aurais aimé que ceux qui me contredisent viennent, hein, qui me contredisent au sujet de l'héritage, qu'ils se réunissent avec moi, et puis on pose notre main sur le coin de probablement de la Kaaba, hein, et qu'on fasse une mubahala, et qu'on invoque la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le menteur. Donc vous voyez, subhanallah, comment Abdullah ibn Mas'ud, comment Abdullah ibn Abbas prenait les choses au sérieux à ce sujet-là. Et le cheikh, il commente à ce sujet-là, il dit, donc voilà que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il voulait faire une mubahala contre ceux qui l'avaient opposé dans la question de l'héritage. Et il est clair que dans al-mubahala, il y a des serments, et il y a un serment qui est vraiment sévère et dur, dans le sens que tu jures en présence de ta famille, de tes enfants, de tes épouses. Tu jures que tu dis la vérité et tu invoques à la fin la malédiction d'Allah sur le menteur. Et ça c'est comme c'est mentionné dans le verset dans sourate Al-Imran, verset 61. C'est-à-dire, comme Allah il dit dans le Coran, et quiconque dispute avec toi à son sujet après ce qu'il t'est parvenu de la science, alors dites-leur, venez, on va inviter, ou on va appeler nos enfants et vos enfants, vos femmes et nos femmes, et nous-mêmes et vous-mêmes, et puis après on va faire mubahala, hein, on va faire mubahala, nabtahil, et puis on va invoquer la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et donc ça c'est une façon, hein, lorsqu'il y a une contradiction entre les gens, et qu'il y a des gens qui veulent pas revenir à la vérité, ou bien qui persistent à contredire la vérité, on peut, ou bien il y a des fois on dit quelque chose, que ce soit par rapport à la religion ou autre, et les gens ne veulent pas accepter la vérité, dans ce cas-là, on va jusqu'à faire al-mubahala, c'est-à-dire on jure que qu'est-ce qu'on dit c'est la vérité, et si c'est faux ce qu'on dit, alors on invoque la malédiction d'Allah sur le menteur. Et on amène toute la famille avec nous. Ça, c'est pour montrer qu'on est certain de ce qu'on dit. Hein. Et parfois, c'est nécessaire de faire ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il l'avait fait avec les chrétiens de Najran. Il les avait invités, et puis il ne voulait pas accepter les arguments qu'il leur a donnés à propos de Isa et tout, toutes les preuves que Allah leur avait données dans les preuves du Coran. Et donc, à la fin, il leur a dit, écoutez, si vous ne voulez pas accepter ce que je vous dis, maintenant, d'accord, on va faire le mubahala. Si vous prétendez que vous êtes vrai et que ce que vous dites, c'est la vérité, on va faire le mubahala. Et on va invoquer la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et quand ils se sont réunis chez eux, les chrétiens, le soir, ils ont dit, écoutez, si on fait le mubahala avec le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est vraiment un prophète, on va avoir des problèmes. Hein, il y a un feu qui va descendre du ciel qui va nous brûler automatiquement, donc on peut pas faire ça. Et donc ils ont refusé de faire la mubahala, et ils ont accepté de faire une entente de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de payer la jizya après ce moment là hein. Donc ça c'est pour répondre à ceux en même temps qui prétendent que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait à faire des dialogues avec les gens du livre, comme les gens du livre, comme les réunions que les gens font, les conférences de rapprochement entre les religions aujourd'hui. Là, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des dialogues avec les gens du livre, il leur donnait la preuve, les preuves, et il leur expliquait les faussetés de leur religion, et il les appelait à accepter la vérité. Et c'était ça sa da'wah. C'était pas de faire de s'asseoir avec les juifs et les chrétiens, puis essayer de faire des compromis dans la religion pour essayer de leur faire plaisir, ou bien de leur dire, ouais, on vous aime, vous êtes gentils, aimez-nous, et acceptez-nous, ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, voici, et ça, c'est pas Dieu, c'est pas le fils de Dieu, c'est pas Dieu. Il est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des messagers d'Allah, il a fait des miracles, certes, oui, mais on n'a pas le droit de l'adorer ou de l'invoquer en dehors d'Allah. Et Maryam, c'est sa mère, et c'est une femme pieuse, mais on n'a pas le droit de l'invoquer ou de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, hein, tous les arguments. Puis s'ils refusaient par la suite avec les preuves qu'on leur donnait, s'ils refusaient d'accepter la vérité, eh bien, c'est eux qui sont, ils restaient dans, s'ils voulaient rester dans leur égarement, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait d'eux par la suite à la jizya, comme on l'a expliqué. Ça, c'était les derniers versets qui ont été révélés du Coran. C'était surat al-Tawba. Et donc, c'était à la fin de la révélation de l'islam. On a eu les règles au sujet des gens du livre, ainsi de suite. En tout cas, donc, on veut pas trop élaborer trop dans les détails de cette question-là, puisque c'est pas le but. Mais le cheikh dit, وَمِنْ أَجْلِ هَذَا كُلِّهِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ مَا الْحَقُّ إِلَّا وَاحِدٌ قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ يَكُونَانِ صَوَابًا جَمِيعًا وَمَا الْحَقُّ وَالصَّوَابُ إِلَّا وَاحِدٌ. Le cheikh mentionne ici des paroles qui sont rapportées dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. C'est le livre de l'imam Ibn Abdel Bar. Il cite l'imam Malik ici. Il dit, c'est pour ça que l'imam Malik a dit, la vérité n'est qu'une seule, unique vérité. Deux paroles contradictoires qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Et il le dit dans une phrase interrogative, en voulant dire, est-ce que deux paroles ou deux positions ou deux opinions contradictoires peuvent être vraies en même temps? La vérité n'est qu'une chose unique. La vérité, est-ce qui est vrai et correct, c'est uniquement une chose unique. Donc ça, c'est pour nier ce que certains prétendent quand ils disent que il peut y avoir plusieurs vérités ou bien que la vérité est multiple. Ça, c'est une erreur. Et puis ça, c'est la même, en même temps, c'est une réponse pour les gens qui croient en d'autres religions, par exemple, puis qui ne veulent pas accepter que ces autres religions-là sont dans l'égarement. Donc, par exemple, des fois, vous parlez avec des koufars sur la religion, et puis vous allez voir certains d'entre eux qui vont dire « Ah ouais, mais bon, il y a tellement de religions, et puis chacune des religions, ils disent qu'ils ont la vérité. » Donc, vous, les musulmans, est-ce que vous dites que, est-ce que vous aussi vous dites que l'islam c'est la vérité absolue, puis que les autres religions sont fausses? Et là, on répond bien entendu, on dit oui, bien sûr, l'islam c'est la vérité, puis toutes les autres religions sont fausses. Alors, là, ils disent, ah non, ça c'est pas bon, votre religion, vous êtes pas bon, vous êtes intolérant, vous acceptez pas les autres. Et en réalité, s'ils prenaient 5 secondes pour réfléchir à ce qu'ils disent, ils verraient que ça ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que si, premièrement, est-ce que quelqu'un va être sur une religion et tu lui demandes est-ce que c'est la vérité, puis il te répond non, c'est pas vrai, c'est une religion fausse. S'il te répond que sa religion est fausse, alors tu peux lui dire mais pourquoi tu la suis si elle est fausse? Hein? Alors c'est la preuve que c'est absurde, c'est vraiment ridicule de demander. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui suit quelque chose excepté qu'il pense que c'est meilleur que les autres ou que c'est la vérité. Hein? Même s'il le nie, même s'ils ne veulent pas l'avouer ou l'admettre, même s'ils ne veulent pas admettre que ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent c'est meilleur ou c'est supérieur ou c'est vrai, s'ils le suivent c'est parce qu'ils croient que c'est vrai, même s'ils ne le disent pas. Et donc, nous on dit clairement, ouvertement, sans hésitation, oui, l'islam c'est la vérité. Et tout ce qui est en dehors de l'islam, comme religion, c'est faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion pour Allah c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Et quiconque cherche une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté l'égarement? Donc tout ça c'est des preuves qui montrent que la vérité c'est une seule vérité, hein? Et que tout ce qui est en dehors de cette vérité là c'est le mensonge et c'est l'égarement et c'est la fausseté. D'accord? Donc si vous demandez à quelqu'un, vous dites est-ce que votre religion, est-ce que l'islam c'est la vérité? Il dit oui, bien sûr c'est la vérité. Si ce n'était pas la vérité je ne le suivrais pas, hein? Bien entendu. Et non seulement ça aussi, c'est que si vous dites, vous, dans ce cas-là, que vous dites que ce que vous suivez, c'est pas la vérité, alors pourquoi vous le suivez? Hein? Pourquoi vous êtes encore sur une religion qui est fausse? C'est complètement et absolument ridicule. Donc, ça s'applique aussi aux religions. On peut voir que ça s'applique également aux religions. Et non seulement ça, mais le point le plus important à mentionner à ce sujet-là, vous dites, écoutez, toutes les religions sont toutes contradictoires l'une et l'autre. Il y a dans chacune des religions qui existent des choses qui contredisent les autres. Est-ce que toutes ces religions-là peuvent être vraies en même temps? Une religion qui dit que Jésus est mort sur la croix, comme les chrétiens. Une autre religion qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps? Les deux peuvent pas être vrais en même temps. Une religion qui dit Isa alayhi salam est un prophète. Une autre religion dit Isa alayhi salam n'est pas un prophète, comme la religion des juifs et la religion des chrétiens. Est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps? Bien entendu non, puisqu'elles se contredisent. Donc, il peut pas y avoir deux choses vraies qui se contredisent. C'est impossible. Hein? Et c'est ça le point que beaucoup de gens, parmi ces gens-là, ils ne comprennent pas. Ils veulent accepter la contradiction et ils veulent que les gens acceptent la contradiction. Et ça, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure as-safsata. C'est ça as-safsata, exactement. De dire qu'il peut y avoir plusieurs vérités. Et ça, c'est ridicule. Le cheikh, il dit, وَبِهَذَا تَعْرِفُ خَطَأَ مَذْهَبَ الْبَعْضِ فيما ذهب إليه بقوله كل مجتهد مصيب فإنها مصادمة للنصوص ومن أحرصها قول النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. Donc exactement qu'est-ce que je vous ai lu tout à l'heure du livre du Cheikh Bazmoul, hafizahullah. Quand il disait tout à l'heure la question de kullu mujtahidin musib, c'est exactement ça. Hein? Le Cheikh il dit, et là on peut comprendre à partir de ces exemples l'erreur de la position de certains qui croient qui disent que kullu mujtahidin musib, chaque mujtahid il a raison. Ça c'est complètement faux, parce que c'est en opposition totale avec les textes du Coran et de la Sunna et des exemples des Sahaba qu'on a mentionnés. Et parmi les preuves les plus claires de l'erreur de cette position-là ou de cette parole-là, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَى » Lorsque le juge fait une ijtihad et qu'il fait une erreur et qu'il se trompe. Donc ça c'est la preuve qu'il se trompe. Hein? C'est pas parce qu'il est mujtahid que tout ce qu'il dit c'est vrai et qu'il a raison et qu'on a le droit de suivre dans son erreur. Donc ça c'est des choses que beaucoup de gens comprennent pas. فَتِلْكَ الْعِبَارَةَ لَيْسَتْ مُتَلَقَّاتًا عَنِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ بَلْ إِنَّ أُصُولَهَا بِدْعِيَّةٌ. Le Cheikh dit cette expression là que les gens répètent, كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ, elle n'était pas connue et on ne l'a pas reçue des trois premiers siècles préférés, les trois siècles des salafs. C'est une parole qui est apparue par la suite et à la base, c'est une parole qui est établie, qui vient d'une bid'a. C'est une parole qui est dans ses fondements, qui est sur la bid'a. C'est une parole fondée sur la bid'a. D'accord? Et le Cheikh dit, wa qala al-qadi Abu Tayyib al-Tabari wa qad dhakara Abu al-Hasan al-Ash'ari القولين جميعا وقد أبان أن الحق في أن الحق في واحد ولكنه مال إلى اختيار كل مجتهد مصيب. وهذا مذهب معتزلة البصرة وهم الأصل في هذه البدعة, وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الدالة على الحق الفاصلة بينه وبين ما عداه Donc le Cheikh il dit que l'imam Al-Qadi Abu Tayyib, Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari, comme c'est mentionné dans Al-Bahr al-Muhit, le volume 6, la page 243, il dit, il a mentionné que cette parole était mentionnée par Abu al-Hasan al-Ash'ari, celui à qui on attribue la Aqida des Asha'ira aujourd'hui, Aqida Ash'ariya. Donc il dit que il a exprimé les deux positions. Il a parlé de Al-Haqqu fi Wahid, c'est-à-dire la vérité c'est dans une position, mais il a mentionné aussi l'autre position, Kullu Mujtahidin Musib. Et il a choisi cette dernière, c'est-à-dire il a choisi la parole ou la position de tous les mujtahids ont raison. Malheureusement, il s'est trompé dans cette question, il a choisi cette position-là, et il dit, le Cheikh Abu Tayyib al-Tabari, ça c'est le madhab des Mu'tazila de la ville de Basra, de la période à cette époque-là. C'était la voix des Mu'tazila qui était dans cette région-là. À Basra, ils disaient ça. Kullu mujtahidin musib. Et à la base, ce sont eux qui sont arrivés avec cette bid'a et qui ont amené cette bid'a de dire Kullu mujtahidin musib. Que tous les mujtahids ont raison. Et ils ont dit ça à cause de leur ignorance des significations du fiqh. Et ils ont ignoré également les voies et les chemins qui indiquent la vérité par rapport au fiqh. Et donc, ça ils ne connaissent pas les preuves de la charia, ils ne comprennent pas non plus la manière de comprendre les preuves pour trouver qu'est-ce qui est vrai et pour distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est en dehors de la vérité parmi les formes de shubah qui sont contraires à la vérité. وَنِسْبَةُ عِبَارَةُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٍ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح في أدب القضاء إنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل مجتهد مصيب وادعوا ذلك عليه. Ça c'est une note en bas de page qui est rajoutée, qui dit que ceux qui attribuent l'expression kullu mujtahidin musib à l'imam al-Shafi'i, ça c'est une attribution incorrecte, c'est-à-dire c'est faux d'attribuer cette parole-là à l'imam al-Shafi'i. Parce que, par exemple, l'imam Abu Ishaq al-Marwazi, il explique dans le sharh, il explique ça à son sujet dans Adab al-Qada, les règles et les manières du jugement. Il explique dans ce livre-là, il dit qu'est-ce qu'on attribue, ou qu'est-ce que certains qui sont venus plus tard ont attribué à l'imam al-Shafi'i, ce sont des gens qui n'ont jamais connu son madhab, qui n'ont jamais connu sa voix. Et ils lui ont attribué la parole « Kullu mujtahidin musib ». Et ils lui ont attribué ça de façon incorrecte, parce que c'est pas lui qui dit ça. Et ça, c'est cité dans le volume 6, à la page 242 du livre « Al-Bahr al-Muhit ». Donc ça, c'est juste pour vous faire voir et pour vous faire comprendre que parfois même, ils attribuent des paroles d'égarement comme ça, même à des imams de l'islam, pour essayer de les justifier. Et après, vous allez voir dans les sites des gens de Bid'ah et dans les paroles des gens de Bid'ah, ils essaient de mentionner ces paroles-là pour dire « Ah oui, regardez, on a des imams qui ont dit ces choses-là. » Et ça, c'est la position des ulama d'Ahl al-Sunnah, alors que c'est faux. Hein? Donc, la parole « Kul mujtahid al-musib » c'est une bid'a. Et le cheikh il dit bal inna haula al mubtadi'a yu'azzimuna al kalam alladhi yusammunahu usul ad-din wa yaj'aluna masailahu qat'iyya wa yuhinuna min amr al fiqh wa yaj'alunahu min bab adh-dhunun la al 'ulum. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah hadhihi al usul allati idda'uha fi dhalika batila wa hiya كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. Donc ici le cheikh il dit ces gens là parmi les mubtadi'a, ils vénèrent et ils respectent beaucoup la philosophie et tout ce qui a rapport avec les conjectures des gens de kalam, hein, des gens qui rentrent dans la philosophie, des choses de ce genre. Et ils appellent ça usuluddin, ils appellent ça les fondements de la religion, hein, et ils classent les questions qui ont rapport avec l'ilm al-kalam, ils le classifient parmi les choses qui sont قطعية, c'est-à-dire qui sont clairs et qui sont établis, qui sont pas, il n'y a pas de doute à leur sujet. Et ils dénigrent le fiqh et qu'est-ce qui a rapport avec le fiqh, et ils le classent parmi les choses qui font partie des dhunun, hein, des suppositions ou des choses qui sont pas claires, qui sont pas basées sur la science. Hein? Donc pour eux, qu'est-ce qui est une science? C'est les questions philosophiques et la logique. Ça, la logique grecque et des choses de ce genre, ça pour eux, ça c'est la science. Mais les questions de fiqh et les arguments tirés des versets et des hadiths, ça pour eux c'est des suppositions, c'est pas des sciences. Et Allah musta'an, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans Al-Istiqama. Et il dit que ces fondements-là que les gens de Kalam ont établis et qu'ils ont prétendu que c'était des fondements, ça c'est des choses à la base qui sont fausses et qui sont futiles, hein, elles n'ont aucune force, aucune valeur, elles ne peuvent pas tenir. Et ça on va l'expliquer dans un autre lieu, hein. C'est-à-dire il en a parlé ailleurs dans d'autres livres, mais il dit mais ذلك انهم لم يجعلوا لله في الاحكام حكما معينا, c'est-à-dire que eux dans les questions qui ont rapport avec les règles de la charia, ils n'ont attribué aucun, ils n'ont donné aucun de ces verdicts-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, ils considèrent que tout mujtahid, il a raison. Hein? Donc ils refusent de dire qu'un mujtahid peut avoir raison ou peut avoir tort. Pourquoi? Parce que pour eux, le verdict de la charia est relatif à chaque personne et à son ijtihad personnel. Donc, chaque personne peut avoir raison selon son ijtihad, peu importe qu'il est, yani, peu importe les références et les preuves. Et ça, c'est grave. Yani, c'est pour ça qu'ils ont cette position-là de dire que le mujtahid est musib. Et d'après ce que j'ai compris, parce que je suis retourné à l'istiqama, le cheikh il élabore beaucoup plus que ça. Le cheikh ici il fait juste mentionner une parole ou une citation qui a rapport à ça, mais ça revient à leur erreur aux questions de al-kalam, l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après ce que j'ai compris dans d'autres références. C'est pour ça qu'ils arrivent à cette conclusion-là et qu'ils nient qu'il y ait des verdicts dans la charia. Hein? Et c'est pour ça que yani, vous entendez des gens comme par exemple j'écoutais Tariq Ramadan une fois qui essayait d'expliquer aux gens comment on doit expliquer la laïcité à des non-musulmans. Et il disait que il faut pas leur dire aux koufars quand on parle de la laïcité, il faut pas leur dire que dans l'islam la politique et la religion c'est une seule et même chose. Il faut pas leur dire ça. Il ne faut pas leur dire que dans l'islam, on ne sépare pas la politique et la religion. Il dit pourquoi ? Il dit parce que dans l'islam, il y a le fiqh, et il y a l'aqida, et il y a le fiqh. Et l'aqida, c'est quelque chose qui est certain, qui est clair, il n'y a pas de divergence. Toutefois, dans les questions de fiqh, eh ben, on utilise notre raison. Hein? Et tout est basé sur la raison. Et ça, c'est une façon de dénigrer le fiqh, et c'est pas vrai que tout est basé sur la raison. Dans le fiqh, le fiqh est basé sur les preuves et les textes de la charia, hein, Coran et Sunna. S'il y a des textes clairs, qui sont clairs sur quelque chose, tu peux pas utiliser ta raison là-dedans, hein. Donc, comme il dit, ouais, il y a les choses comme par exemple, il y a comme l'ibadat, et puis il y a les al-adat, ou bien les autres, le mu'amalat. Ah oui, c'est comme ça qu'il le divise. Il dit, l'ibadat, ça c'est clair. On peut pas contredire là-dedans. Ça c'est des choses claires. Et on n'utilise pas notre raison là-dedans. Tandis que dans al-mu'amalat, là on utilise notre raison. Et ça aussi c'est faux. Et ça aussi c'est incorrect. Parce que dans les ibadat, dans les adorations, il y a des questions dans lesquelles on fait des ijtihad aussi, et dans les questions de mu'amalat, il y a des points qui sont basés sur les textes authentiques qui sont clairs, dans lesquels on ne peut pas faire d'analogie ou d'utiliser notre raison dedans, et il y a aussi des choses qui sont dans lesquelles on peut utiliser notre raisonnement, dans le sens, quand on dit notre raison, c'est pas la raison comme les koufars le comprennent. Tu disais, t'as plus raison comme les grecs, utilisent leur logique grecque. Non. C'est d'utiliser les analogies qui sont établies selon les règles du Coran et de la Sunna, et selon les règles du qiyas, selon les fondements du fiqh, et non pas utiliser simplement sa raison de n'importe quelle manière. Donc, essayez de faire comprendre aux koufars qu'on accepte la laïcité, et de dire les choses d'une façon pour essayer de leur faire plaisir en déformant la réalité de l'islam et des principes de l'islam, c'est tellement malhonnête. Et ça pourquoi? Pour qu'ils soient contents quand on leur parle, on leur dit la première des sciences en islam, ce n'est pas de parler de Dieu, ou ce n'est pas la théologie. La première des sciences, c'est le droit. Hein, imaginez, Allah al-Musta'an, pendant 13 ans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a juste appelé Allah ilaha illallah. C'est le tawhid, la première des sciences. Il n'y a pas d'autre science que ça. Hein? Mais lui, probablement qu'il mélange entre ilm al-kalam et le tawhid. Hein? Il pense que le tawhid et ilm al-kalam sont une et même chose, une seule et même chose. Alors que le ilm al-kalam, c'est de la philosophie, et c'est venu après les premiers siècles de l'islam. Tandis que le tawhid, c'est quelque chose qui est tiré du Coran et de la Sunna, et qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et qui a été enseigné depuis le premier jour de l'islam, c'est-à-dire la ilaha illallah. Hein? C'est ça le tawhid. C'est pas la philosophie qui est venue par la suite, qui est venue des Jahmiyyah ou des Mu'tazila ou des Asha'ira et des Maturidiyah, des gens de Kalam. Hein? C'est ça qu'ils appellent la théologie. C'est ça qu'ils appellent usuluddin. De nier les attributs d'Allah et de nier le qadar, ou bien de commencer à disputer sur ces choses-là en se basant sur la philosophie. Tout ça, c'est, ça n'a rien à voir avec le tawhid. Mais bon, des gens qui, quand les gens mélangent, ils confondent entre le vrai et le faux, ils mélangent tout. Donc c'est pour ça qu'ils disent que kullu mutahidin musib. Hein, ce cheikh-là, il a dit ça, mais il y a un autre cheikh qui a dit ça. Donc on peut prendre celui qu'on veut. On peut prendre l'opinion qu'on veut. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est notre religion, c'est un jeu. On peut choisir ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. A'ouzou billah. Hein? Il va parler de la musique, il va dire il y a trois positions. Il y a ceux qui disent ça, il y a ceux qui disent ça, puis il y a ceux qui disent ça. Nous, dans notre contexte, en Europe, on ne peut pas rendre tout haram, parce que si on rend tout haram, qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Ils vont plus savoir quoi faire. Donc il faut quand même leur donner une chance, quand même une possibilité de se faire des divertissements. Donc on va prendre cette opinion-là qui nous dit que c'est permis, mais dans certaines conditions, et ainsi de suite. Où est-ce qu'elles retournent? C'est pas comme ça qu'on discute des questions de la charia. On retourne aux preuves du Coran et de la Sunna et on analyse les textes et après on mentionne les positions et les paroles des sahaba, ainsi de suite. Et là, on voit le hukum à la fin. Mais juste de dire des choses de ce genre, et à chaque fois, bien entendu, on n'a jamais assez de temps. Il dit toujours, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails et de mentionner les preuves. Et comme par hasard, il n'a jamais le temps de faire ça. Il a le temps de parler, de faire des conférences de 2 heures, 1 heure, 2 heures, pour parler de des choses qui n'ont aucun fondement dans l'islam. Mais quand c'est le temps de mentionner les preuves, il n'a pas le temps. Allahul Musta'an. Alors que c'est dans ça qu'il faut avoir le temps. C'est dans le fait de mentionner les textes. Et il dit par exemple, on ne peut pas dire qu'une conférence est islamique par rapport au nombre de hadiths et de versets qu'on cite. Hein? Il ne faut pas que ce soit juste une série de citations de textes du Coran et de la Sunna. C'est pas ça qui fait qu'une conférence est islamique. Il faut aussi utiliser son intelligence, il dit. Hein? Donc ça veut dire qu'on va faire une conférence. Ça veut dire même les koufars, quand ils font leur conférence là, hein? Quand les gens des philosophes ou autres ils font leur conférence, ça veut dire ça c'est l'islam quand ils parlent. Ça, parce que si on peut faire une conférence islamique sans parler du Coran et de la Sunna, alors je sais pas c'est quoi une conférence islamique. Hein? Ça veut dire que même les koufars ils font des conférences islamiques. Dans ce cas-là, tout le monde parle de l'islam. Alors, hein? Allah musta'an. Le cheikh il dit وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. Ça c'est la suite de la parole de Ibn Taymiyyah. Il dit وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَا فِي هَذَا مِنَ السَّفْسَطَةِ وَالزَّنْدَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلُ اللَّهِ حُكْمًا فِي مَوَارِدِ الْإِجْتِهَادِ أَصْلًا وَلَا جَعَلُوا لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا أَصْلًا بَلْ ابن الباقلاني وغيره يقول ما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمر اتفاقية وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أذلة وأمارات تقتضيها كالعلوم في استنادها إلى الأدلة. Donc le cheikh il explique, il dit, et nous avons expliqué dans d'autres, hein, Ibn Taymiyyah, il dit, on a expliqué dans d'autres circonstances et dans d'autres livres, qu'est-ce qu'il y a au sujet de cette idée que tous les mujtahids sont sur la bonne opinion. On a expliqué qu'est-ce qu'il y a dans cette parole-là de safsata et de zandaka. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début la question de safsata et zandaka pour que vous compreniez. Hein, dans cette parole de Ibn Taymiyyah ici de quoi on parle, hein, qu'il y a on a expliqué dans d'autres circonstances et dans d'autres endroits qu'est-ce qu'il y a dans cette idée là de dire que tous les mujtahids ont raison, qu'est-ce qu'il y a de sophisme et de l'hypocrisie et de zandaqa, d'hérésie là-dedans. Donc le cheikh il dit ils n'ont pas فَلَمْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ حُكْمًا في موارد الاجتهاد اصلا. C'est-à-dire dans les ijtihads, quand ils font une ijtihad, les mujtahidin, ils n'ont pas attribué aucune de leurs ijtihads, ou bien aucune de leurs ijtihads, il n'y a pas aucune ijtihad qu'ils font dans laquelle il dit à son sujet que c'est une opinion ou c'est le verdict qui est celui que Allah a jugé, hein. C'est-à-dire ils savent pas, ils disent on sait pas c'est quoi le verdict qui vient d'Allah dans ces différentes ijtihad là. On dit qu'ils sont toutes bonnes, toutes correctes, toutes les positions ensemble, même si elles sont contradictoires. Et ça, c'est clair que c'est incorrect, c'est absurde. Et il dit wala ja'alu lahu ala dhalika dalilan aslan. C'est-à-dire pour eux, les questions des ijtihad entre les différences d'ijtihad entre les ulama, ça, ça retourne pas à des preuves pour eux. C'est pour ça souvent vous allez les voir émettre des positions et des jugements dans les livres, et ils ramènent aucun dalil pour leur position. Ils font juste émettre des jugements comme ça. On dirait que c'est de la pure philosophie, hein. Donc ça, c'est à cause de cette idée-là qu'ils ont. Et même que Ibn al-Baqilani, ça c'était un des élèves de Abu al-Hasan al-Ash'ari par la suite, qui a suivi la voie des mutakallimin. Et bien Ibn al-Baqilani, il disait quoi? Il disait que il n'y a pas aucune indication, hein, pour dire que une position est plus authentique ou plus correcte qu'une autre. Ce sont uniquement des choses sur lesquelles on a convenu entre nous et on s'est mis d'accord là-dessus. Hein? C'est-à-dire, c'est pas par rapport à un signe ou à une indication ou à une preuve qu'on dit qu'une position est plus correcte qu'une autre. C'est seulement une chose comme une chose conventionnelle, c'est-à-dire une chose sur laquelle on s'est mis d'accord entre nous. Et c'est tout. Hein? Pas par rapport à une référence. Et donc, pour eux, les positions qu'ils ont ne retournent pas à des preuves et à des indications qui les impliquent. Donc, contrairement aux sciences qui retournent à des preuves, elles doivent être basées sur des preuves et des références. Et donc, c'est ça l'erreur qu'ils ont, ces gens-là, quand ils font leur jugement. Et c'est pour ça que vous voyez des gens comme, par exemple, Qardawi, Mohamed Al-Ghazali, Al-Bouti, puis tous ces gens-là, quand ils font des fatwas et quand ils font des jugements, ils ne se basent pas sur les mêmes fondements que les salafs. Leur usul et leur fiqh, il n'est pas basé sur les mêmes principes et les mêmes fondements. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils contredisent les salafs. Et ils contredisent les salafis. Et ils s'opposent aux ulama qui suivent la voie des salafs à chaque fois à cause de leurs fondements qui sont contraires aux fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Mais les gens ne savent pas ça. Parce que les gens, malheureusement, ils ne regardent pas les principes et les fondements auxquels ces gens-là retournent. Ils font juste regarder chaque fatwa individuellement. Et c'est sûr que si tu regardes chacune de leurs fatwas individuellement, tu vois des contradictions avec les fatwas des ulama salafiyin. Mais si tu connais pas leur fondement et la source et la base de leur erreur, tu vas pas comprendre pourquoi ils sont toujours en contradiction. Et malheureusement, les gens s'attardent seulement aux fatwas que ces ulama-là ont fait. Mais les ulama de Ahl Sunnah, lorsqu'ils font une fatwa, ils se basent sur des références, sur des fondements, sur des règles, sur des preuves. Ils ont des usuls, ils ont des fondements qu'ils suivent. D'accord? Donc ça veut dire que, étant donné, si tu suis ces règles et ces principes et ces fondements établis, tu ne peux pas arriver à une autre conclusion que cette conclusion-là. Tu ne peux pas arriver à une autre conclusion. Impossible. Sauf si tu te trompes. Hein? Tandis que ces autres-là, ils arrivent toujours à des conclusions contradictoires. Pourquoi? Ils arrivent à des conclusions contradictoires parce qu'ils n'ont pas les mêmes fondements. Et c'est pour ça qu'il faut analyser leurs fondements et leurs principes pour comprendre pourquoi ils sont dans l'erreur. Et lorsqu'on analyse leurs fondements, c'est là qu'on réalise que leur fondement est contraire au fondement d'Ahl Sunnah wal Jama'a et est contraire à la position des salaf salih dans les questions de fiqh et de usul. Hein? Et c'est pour ça que Al-Bouti, par exemple, Saïd Ramadan Bouti, il a écrit un livre qui s'appelle As-Salafiyya. Il a essayé de critiquer le manhaj des salaf là-dedans. La même chose que Al-Qardawi dans son livre, un livre qu'il a écrit qui s'appelle Awlawiyat al-Harakat al-Islamiyya. Il dit, les vrais salafs, c'est pas les salafis d'aujourd'hui, là. Ceux-là, ils se disent salafis, mais c'est pas, ils salissent le nom des salafs. Ils suivent pas réellement les salafs. C'est pas ça, la voie des salafs. La voie des salafs, c'est la vraie voie des salafs. Voici. Il donne des explications de sa propre tête. Allah al-Musta'an. Donc, C'est pourquoi, parce qu'ils ont contre, dans ces livres-là, ils essaient d'affirmer que la voix des salafs, c'est la voix des Asha'ira, et la voix des Mutakallimin, et la voix des gens qui sont, par exemple, des gens de Mu'tazila, et des gens de c'est juste pour vous faire comprendre, il faut faire attention. Ils disent aujourd'hui, ah, ça c'est des nouveaux salafis, ça c'est pas les vrais salafis, les vrais salafs, c'est ci, c'est ça. Et donc, quand vous retournez au livre, par exemple, de Qardawi, il a un passage où il parle justement, parce que eux, c'est comme, ils veulent essayer de dire, nous, on veut collaborer avec tous les groupes, toutes les tendances, on veut collaborer avec les chiites, on veut collaborer avec les salafis, on veut collaborer avec tous les groupes, hein, on est d'accord avec tout le monde, on aime tout le monde, et il, mais en même temps, il backstab les salafis, c'est-à-dire il les poignarde dans le dos, en même temps, bien entendu. Toujours à la première occasion qu'ils ont, ils vont les poignarder dans le dos, soit en mentionnant le terme salafi, ou soit en le mentionnant pas. La plupart des critiques que Tariq Ramadan fait contre les salafis, ils ne mentionnent jamais qu'ils parlent des salafis. Mais bien entendu, c'est sous-entendu parce qu'on sait très bien de qui ils parlent, puisque c'est très clair. Mais il parle, Qardawi, de ces choses-là. On en reparle, on y reviendra. On fera une analyse de ce qu'il dit des salafis dans un cours à venir, inshallah. On va lire ce qu'il dit des salafis, puis on va analyser ça ensemble, inshallah. Donc c'est pour vous dire. Et Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les livres de Qardawi, les livres de Sayyid Qutb, les livres de Hassan al-Banna, les livres de tous ces penseurs islamistes, hein. Qui suivent ces voies-là. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il les traduit en français. Et puis il présente ça aux gens. Il les adapte dans un vocabulaire français bien présenté, là, comme il sait le faire. Et puis il montre ça aux gens comme si c'était ses idées à lui. Et puis bien entendu, c'est du réchauffé, comme on dit. Mais bon, on peut pas le blâmer pour ça, puisqu'il suit, ses salafs à lui. Puis malheureusement, c'est pas les bons salafs qu'il suit, malheureusement. Donc ici, on va, parce que salaf, ça veut dire les prédécesseurs, ceux qui t'ont précédé. Et ceux qui l'ont précédé à lui, c'est Hassan al-Banna et les Ikhwan. Donc ça, c'est ses salaf à lui. Tandis que nos salaf à nous, eh ben, inshallah, ce sont les sahaba, les tabi'in et les tabi'in et les ulama de la umma qui les ont suivis. Dans leur aqidah, dans leur compréhension, dans leur manhaj. Ensuite, le cheikh dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال وإنما القول الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم واحد منها. Ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, le volume 33, à la page 42, et c'est pour ça que tu vois que les questions au sujet desquelles il y a eu des divergences dans la Umma, il y a eu des divergences et qu'il y a eu des différences d'opinion. Mais la position avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est une seule et unique position. C'est une d'entre ces positions-là. Donc quand il y a des divergences, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir » Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Hein? Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc, on a fini avec ce passage, avec ce chapitre. On a expliqué donc les preuves de ce principe qu'on a dit que la vérité, c'est une seule vérité unique, et tout ce qui est en dehors de cette vérité-là, c'est l'égarement et c'est l'erreur. On a mentionné les preuves du Coran, on a mentionné les preuves de la Sunna, on a mentionné les preuves dans les paroles et les actions des Sahaba, et on a mentionné également des exemples dans les paroles des ulama à ce sujet-là. Donc, on voit que, alhamdoulilah, la chose est claire, et c'est juste quelques exemples, parce que on pourrait en parler pendant beaucoup plus de, on peut créer des volumes là-dessus, hein, mais on veut juste donner des exemples pour faire comprendre le principe, ok? Et le reste, inshallah, ça va se clarifier au fur et à mesure. Bon, j'aurais aimé continuer, mais malheureusement, on est arrivé à la limite du temps. Je veux pas que ce soit trop long non plus, parce que sinon, on sait ce qui arrive. Les gens n'ont pas le courage ou la patience de l'écouter par la suite. Ils trouvent que c'est long. Bon, il faut pas trop exagérer non plus. Ça aussi, ça fait partie de la sunna, de donner à chaque chose son temps, puis de pas de pas pousser les gens trop loin pour qu'ils s'ennuient par la suite, ça devient trop lourd, hein? Donc il faut y aller doucement. Donc inshallah, on va s'arrêter ici, hein. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre cette connaissance et cette compréhension bénéfique, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser le Cheikh Hamad ibn Ibrahim pour son livre, puisque c'est un livre très très intéressant et très bénéfique qui clarifie beaucoup de choses, hein. Et on demande de faire en sorte que ce soit une cause de guidance pour chacun d'entre nous, et que ça augmente notre compréhension de l'islam, et que Allah fasse que ces paroles soient diffusées le plus possible, inshallah, pour que la religion devienne de plus en plus claire pour tout le monde, hein, en Occident et ailleurs. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.